du soleil, y'en a pas à Paris. Les problèmes étouffent à cause de l'oseille. C'est tout ce qu'ils veulent, de l'oseille délobée. Laissez-moi vivre avec mes ladies. Ce genre de merde, celui qui fait le générale, alors qu'il est tout générale, allez. Pas besoin de tes problèmes, j'ai besoin de vacances moi. Tu m'en mets plein la tête, alors que je m'en fous, je m'en fous. Mais apprends la gova, qu'on exhibe nos délires. Je rêve de sable au cocktail goyave, d'un soleil du pays. Laissez-moi vivre avec mes ladies. Loin de toi, loin de vous, on s'évade ici. Ma voix se platine, body by night, on se pavane, c'est une base en pavane. Laissez-moi vivre avec mes ladies. Loin de toi, loin de vous, on s'évade ici. Laissez-moi vivre avec mes ladies. Loin de toi, loin de vous, on s'ennuie. Laissez-moi vivre. Y'en a pas à Paris. Les problèmes étouffent à cause de l'oseille. C'est tout ce qu'ils veulent, de l'oseille délobée. Laissez-moi vivre.